bienvenue à l'émission Les échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Au microphone et au choix des disques, Jean-Philippe Boisbriand. Ce soir, je vous propose des musiques des États-Unis, d'Allemagne, d'Angleterre, de France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Australie et du Japon. Il y aura beaucoup de groupes indépendants issus des années 80 et je vous propose aussi un extrait du tout nouvel album de la chanteuse anglo-allemande Annika et du tout nouvel album du groupe suisse Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp. Alors, sans plus tarder, on débute avec Kisses Sweeter Than Wine, interprété par le groupe Bongwater. Take blood from his finger, kisses, pump it into his heart. myself a spot and settle down a while. Cause it's getting hard to think, and my clothes are starting to shrink, and the moon is sagging down like a metal. Smoking in an old ashtray, they just blow it out their nose and say okay. So let's try to make it last. The past is still the past, and tomorrow is just another scam. God saves. Kiss your mother goodnight and remember that God saves. I led her to a hole, a deep black well. I said, make a wish, make sure and not tell. And close your eyes, dear, and count to seven. You know your papa loves you, good children go to heaven. You know your papa loves you, good children go to heaven. I gave her a push, I gave her a shove. I pushed with all my might, I pushed with all my love. I threw my child into a bottomless pit. She fell, but I never heard her hit. She was screaming as she fell, but I never heard her hit. tale that I tell. You wanna know how to take a short trip to hell? It's guaranteed to get your own place in hell. Just take your lovely daughter and push her in the well. Take your lovely daughter and throw her in the well. Speak to me of lovers with a broken heart. You wanna know what will really tear you apart? I'm going out to the barn with a never stopping pain. I'm going out to the barn to hang myself in Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous avez entendu dans ce premier bloc Country Death Song du groupe Violente Femme. C'est extrait de leur deuxième album Hallowed Ground, un album qui est paru en 1984. Country Death Song est la première pièce de Gordon Gano qu'il avait composée lorsqu'il était au collège. Gordon Gano est le fondateur du groupe Violente Femme. Ça a été précédé par Sleeping Bag de Beck. C'est extrait de son album One Foot in the Grave, un album qui est paru en 1994. On a débuté l'émission avec le traditionnel Kisses Sweeter Than Wine, interprété par le groupe Bongwater. C'est extrait de l'album The Power of Pussy, qui est paru en 1991. Bongwater, c'est un groupe indépendant américain fondé en 1987. Avec la chanteuse et comédienne Anne Magnusson et le musicien Mark Kramer, fondateur de Shimmy Disc Record. Alors, on poursuit avec Lucky Number 9 du groupe américain The Moldy Peaches. You love you too much to care about me. I know you've really had it with me. I'm just a person in your past. I love you too much to bother you. Feeling like my heart beats slow as time goes rushing by too fast. I love you too much to cover you. I love you too much to smother you. I love you too much to care about me. Love was in a plane crash, son of obituary. Love pushed on the train tracks. What are you wearing, obituary? Pride, blood. If you don't want to hear from me, I guess I'll understand the truth. I love you too much to bother you. Thinking about our old friendship, regretting that it had an end. I love you too much to bother you. I love you too much to covet you. I love you too much to care about me. Love was in a plane crash, son of obituary. Love pushed on the train tracks. What are you wearing, obituary? Pride. Thinking about my old girlfriend, wishing we were in embrace. I love you too much to bother you. I love you too much to cover you. I love you too much to care about me. To care about me. I got a million prison pass. À l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce dernier bloc un extrait de la pièce Autumn Leaves du groupe américain Tripod Jimmy. C'est extrait de Long Walk of a Short Pier, un album qui est paru en 1982. Tripod Jimmy, c'est le groupe du guitariste Tom Herman, qui est aussi un des fondateurs du groupe Parubu. Ça a été précédé par Really Want to See You Again du groupe Proof of Utah. Et comme son nom le suggère, c'est un groupe de l'Ohio. C'est extrait de leur album It Doesn't Matter Much, un album paru en 1985. Ça a été précédé par I Love You Too Much to Bother You de Robert Stevie Moore. C'est extrait de l'album Teenage Spectacular, un album paru en 1987. Robert Stevie Moore, c'est le pape de la musique DIY. Il avait commencé à vendre dès le début des années 70 ses musiques sur des cassettes. Il avait parti un club de cassettes. Robert Stevie Moore est le fils du bassiste Bob Moore, un musicien de studio qui est membre de la Nashville A-Team, un groupe de musiciens qui ont joué entre autres avec Elvis Presley, Patsy Cline et Bob Dylan. On a débuté ce bloc avec Lucky Number 9 du groupe indépendant américain The Moldy Peaches. C'est extrait de l'album The Moldy Peaches, un album paru en 2001. Le groupe se compose principalement de Adam Green et Kimia Dawson. Après la pause, on va faire un tour en Europe, plus précisément en France et en Suisse. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des disques. Vous avez entendu dans le dernier bloc la pièce Flux du tout nouvel album du groupe de Genève Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp. C'est extrait de l'album We're Okay, But We're Lost Anyway, qui vient tout juste d'apparaître. Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp est un groupe qui a été fondé par le contrebassiste Vincent Berthelot, créateur du label Bongo Joe. Ça a été précédé par Les Rapides Bleus du duo français Grand Vémont. C'est extrait de l'album Grand Vémont paru en 2019. Grand Vémont est un duo constitué de Jocelyn Varango et Béatrice Morel-Journel qui s'accompagne d'orgue et de synthétiseurs. On a débuté le bloc avec Ossip et Lily, une pièce du groupe belge Aksak Maboul. C'est extrait de la compilation Made to Measure Volume 1, une compilation parue en 1984 sur l'étiquette belge Cramped Disc. Alors, on poursuit avec And du groupe japonais BGM. We'll be right back. attorneys say Mr. Smith, who was black, may be a victim of racial prejudice. And witnesses with evidence implicating a corrections officer must come forward. Justice demands it. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Vous avez entendu dans le dernier bloc Finger Pies de la chanteuse anglo-allemande Annika. C'est extrait de son tout nouvel album Change. Annika, alias Annika Anderson, est une chanteuse, compositrice, interprète, poète et journaliste politique. Elle est née en 1987 dans le Surrey, en Angleterre. Juste avant, vous avez entendu Forensic Dentist du groupe américain BPA ou Byproduct of America. C'est extrait du EP Byproducts of America paru en 1982. BPA est un groupe de post-punk de Cincinnati dans l'Ohio qui a produit un album et un EP dans les années 80. On a débuté le bloc avec la pièce And, A-N-D, du groupe japonais BGM. C'est extrait de l'album Background Music, un album paru en 1980. Après la pause, on va faire un tour en Belgique et en Angleterre. Liberté. Quand on est la liberté. cochon s'est ravolé. Ah, je me souviens. Foutez sentier de votre bateau. Und ich, de ma barque, j'ai débarqué. Ach, Dunkerque, schöne village. Und je me dis, warum eine Delle Capharnaum? Nous étions deux sur cette plage. Toi, en maillot, moi, en chômage. À parler. T'es trop vieux et t'es pas beau. Tu te prends pour Marlon Brando. Tu ressembles à Quasimodo. T'as une tête d'idiot. Nous étions deux sur cette plage. Ouh. Toi en bateau, moi à la nage. Du bist vieux und du bist moche. Ich n'aime pas tout ton zinoche. Du groin gaisé dans la bouche. Mais du bist eine vraie gloche. Gut geschlafen, va demoiselle Mimi. Fenez, ça fait quoi? J'ai fait vous trouver une bédide occupation. Nous allons vers une promenade. Mit meine mobilette, warum, warum? Passion zwei sur des plages. Die a voulu m'éduer, aber dein couteau was ein Ersatz. J'ai pris eine Tinterflasche hors de meine Vadure. Und boum, du bist mort, je me suis tout éclaboussé, meine Uniforme. J'ai été regardé mit meinem monocle von Amérique und j'ai vu des yeux rouler sur le sable. C'était très drôle. T'es trop vieille et t'es pas belle. Wouh. Tu serais mieux à la poubelle. Wouh. T'as les pieds pleins de cervelle. Wouh. Et la tête comme une gamelle. T'es trop vieille et t'es pas belle. Wouh. Tu serais mieux à la poubelle. Wouh. T'as les pieds pleins de cervelle. Wouh. Et la tête comme une gamelle. T'es trop vieille. T'es pas belle. Wouh. Tu serais mieux à la poubelle. T'as les pieds pleins de cervelle. Wouh. Et la tête comme une gamelle. T'es trop vieille et t'es pas belle. Wouh. Tu serais mieux à la poubelle. T'as les pieds pleins de cervelle. White convertible car, reclining my seat, lying back in this heat, look me up on channel 3, so sophisticated, charming and educated, and I hope you don't mind, nothing's harder to find, someone sends you, like you. Elton John style, with an eagle profile, small screen smile, who cooks in Japan. I think you're very, very, very, very, very, very, very, very. Very, very, very, very, very, very, very. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce dernier bloc la pièce TV du groupe britannique The Flying Lizards. C'est extrait de leur premier album The Flying Lizards qui est paru en 1979. The Flying Lizards, c'est le projet solo de David Cunningham, un musicien et producteur de musique expérimentale et contemporaine. Juste avant, vous avez entendu À Tarte du groupe belge Stella. C'est extrait de l'album Fuite au prochain lavabo, un album paru en 1986. Stella, c'est le projet de Jean-Luc Funk, un musicien et humoriste belge. On a débuté le bloc avec Vive l'amour d'un autre groupe belge, Victor Hublot. C'est extrait de l'album 185 millions de francophones et moi, un album paru en 1986. Victor Hublot, c'est un collectif musical belge fondé par Guy Clairbois, tailleur de pierre, producteur et musicien autodidacte, né en 1961. Alors, on poursuit avec BBD du groupe australien Systematics. Oh, l'homophone. Pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce mercredi. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Vous pouvez nous contacter par courriel via notre blog sur échangeur.blogspot.com où vous faites une recherche Échangeurs d'air CKRL et vous trouverez facilement le blog. Vous avez entendu dans le dernier bloc un extrait de la pièce Submarine du chanteur, musicien et acteur Mario Agata. Cet extrait de l'album Norimono Zukan, un album paru en 1980. Ça a été précédé par World, du groupe australien Tangled Shoelaces. Cet extrait de la compilation Turn My Dial, M Squared Recordings and More, 1981-1984, une compilation qui est parue un peu plus tôt cette année. On a débuté le bloc avec BBD, du groupe australien Systematics. Cet extrait du EP My Life in the Field of Cows, qui est paru en 1982. Systematics, c'est le projet solo du musicien Patrick Gibson. Alors voilà, c'est tout pour nous ce soir. On se dit à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne soirée à l'antenne de CKRL.